L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. On a eu un petit problème tout à l'heure, les petits lutins maléfiques de la technique sont allés foutre le bordel dans les ordinateurs et du coup je m'aperçois que tout à l'heure vous ne m'entendiez pas en direct, chers amis. Eh bien c'est pas grave, ce sont les aléas du direct justement, et ce sont aussi les petits impondérables d'Halloween puisqu'on est fin octobre, on est ce soir le mardi 30 octobre si vous écoutez en direct. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, on a quelques petits soucis informatiques mais on va vous faire cette putain de playlist quand même. Et à l'instant, bah, c'était pour commencer Zombie Ghost Train, à l'instant qu'on écoutait en deuxième morceau de cette playlist avec le titre Zombie Beach. Pourquoi j'avais envie de vous passer ce morceau-là? Parce que peut-être que par les derniers jours de l'été indien, vous étiez en train de zoner sur les plages. Pour les plus chanceux d'entre vous, à profiter des dernières belles journées de cet automne, et bien comme ça s'est largement rafraîchi ce week-end, vous pouvez plus trop le faire, ou alors à vos risques et périls, au risque peut-être de devenir un zombie, d'où le thème Zombie Beach. Et juste avant ça, le morceau qui ouvrait cette playlist ce soir et qui annonçait un petit peu la couleur avec Glenn Danzig qui chantait, qui hurlait Halloween au sein des Misfits il y a déjà quelques années. Glenn Danzig qui chantait, qui hurlait, hein, et puis en même temps je vous dis que bah, c'est peut-être pas très très grave, déjà parce que vous êtes dans l'heure du loup, vous avez l'habitude, et ensuite parce que bah, en ces temps d'Halloween, hurler c'est un petit peu la bonne saison, et je parle pas seulement de hurler après l'augmentation du prix de l'essence. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous disais, une playlist de saison, une playlist avec des morceaux, des titres qui illustreront un petit peu ce thème d'Halloween que j'ai traditionnellement, je vous fais ça chaque année, fin octobre, dans l'heure du loup. Il faut dire qu'une émission rock, ça s'y prête pour le coup. Et de toute manière, j'ai l'impression que vous ne vous en lassez pas, si j'en crois, les chiffres de fréquentation. Donc même temps, voilà, une émission qui passe un petit peu de rock gothique de temps en temps et de métal et qui fait une émission Halloween, ça fait un peu pléonasme, vous vous me direz, mais on s'en fout et vous me le pardonnerez, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va continuer, chers amis, avec des groupes de saison, des groupes qui auront des noms un petit peu prime sautier et qui s'accorderont avec le thème de la fête des morts. J'ai envie de dire, hein, on commençait avec les Misfits, hein, qui signifie un genre quelque chose comme les démoniaques, tout ça, et on continue avec Zombie Ghost Train, donc des zombies, des momies, des monstres divers et variés. On en aura toute la soirée et on va continuer justement avec un groupe de nanas qui en veulent, a priori, The Hellfreaks, c'est le titre Dead and Breakfast. Garbage can. Oh my god, she's killing my friends. The body's all twisted and Qu'est-ce qu'il y a, docteur ? Eh bien, la température de votre corps n'est que de 18 degrés. Vous n'avez plus de pouls, votre cœur ne bat plus. Quant à vos yeux, ils sont fixés vitreux. Oh non, vous voulez dire... Oui, et mon diagnostic est sans appel. Conjonctivite. Je vais vous donner un traitement approprié, mais je refuse de vous toucher. Ah, je meurs de faim et la seule chose que j'ai envie de manger, c'est... du cerveau. Faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à vos yeux. Je vais vous prescrire des antibiotiques. À l'instant, on venait d'écouter un petit intermède d'une série d'animation que j'ai beaucoup aimé. C'était South Park, vous l'aurez reconnu évidemment, avec cet humour un peu glauque. Et c'est un épisode spécial Halloween dans lequel il y a une épidémie de conjonctivite qui se répand à South Park. Et en fait, c'est une conjonctivite qui fait que les gens de South Park ont les yeux injectés de sang et ils se mettent à manger les cerveaux de leurs voisins. Voilà, donc vous aurez compris, c'est des maladies un petit peu particulières qu'il y a de ce côté des rocheuses. Quoi qu'il en soit, nous chers amis, eh bien avant ça, on écoutait pour nous mettre et pour nous bouger le cul encore avec cette fraîcheur qui retombe, et pour nous réchauffer, eh bien on écoutait un petit peu de punk rock assez enlevé à l'instant avec les deux morceaux qui précédaient The Hell Freaks avec le titre Dead and Breakfast et The Priscillas avec le titre All My Friends Are Zombies. Hein, zombies comme dans l'épisode de South Park, susnommé. Alors pour vous le dire lequel c'était, j'en sais rien. Je crois que c'était l'épisode où Kenny meurt. Voilà, je crois que c'est celui-là. Et donc, The Priscilla, All My Friends Are Zombies, eh bien, ouais, peut-être que le 1er novembre, tous vos collègues seront des zombies après la petite sauterie que vous ferez le soir du 31. Hein, allez savoir. Et peut-être que jeudi 1er novembre, justement, si vous allez, soit si vous revenez en tant que zombie d'une soirée un petit peu arrosée, soit si vous partez fleurir les tombes de vos aïeux, eh bien, de toute manière, ce sera Dead and Breakfast, hein, des morts et un petit déj. Voilà, chers amis, on va évoluer un petit peu de style musical. Et la semaine dernière, j'étais pas là, mais je vous avais préparé une playlist consacrée à un grand homme du cinéma et de la musique, j'ai envie de dire, c'était John Carpenter, dont le nom est à jamais lié au thème d'Halloween, parce que c'est lui qui a fait le film. Il y a eu de nombreux films hein, qui ont recoupé ce thème-là, bien entendu, mais c'est lui qui a fait le film qui incarnait le mieux l'esprit d'Halloween, sans doute, et en tout cas qui nous l'a fait découvrir en France à partir de 1977. Pour vous donner une anecdote... John Carpenter, le film Halloween, c'était quelque chose qui était tellement pas connu en Europe en général, en France en particulier, à la fin des années 70, que en fait le film avait été rebaptisé La Nuit des Masques, parce que Halloween, ça n'aurait rien évoqué au public français. Bon, depuis, entre-temps, on a eu l'occasion de voir un petit peu ce que c'était, sans forcément oublier nos propres coutumes liées aux vieilles traditions celtiques de France, de Navarre et d'ailleurs, bien entendu, puisque en Belgique, eux aussi, ils fêtent Halloween, mais au moment de la Saint-Martin, par exemple. Voilà, et je vous passe tous les détails sur Samhain, dont les traditions sont encore vivaces en Irlande, etc., etc. Vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Mais voilà, pour l'anecdote, eh bien, la semaine dernière, je vous avais donc préparé une playlist consacrée à John Carpenter, ce grand nom du cinéma et de la musique, avec une playlist consacrée aux bandes originales de ses films. Eh bien, John Carpenter aura aussi influencé un artiste français qui fait vraiment, lui, dans sa musique, un hommage aux années 80, clairement, puisqu'il s'inspire beaucoup de la synth-pop de l'époque, et qui a baptisé son projet musical Carpenter Brut, dont je vous propose d'écouter un extrait du dernier album sorti en février, Leather Teeth. Thank you. Un peu d'électronique body music pour agiter votre corps sensuel sur votre carpet moche et ce sont des BPM qui vont bien pour continuer, j'ai envie de dire, cette playlist Halloween ce soir. Et à l'instant on écoutait Back 13 avec le titre Children of the Night. Children of the Night, ouais, comme les petits microbes là qui vont venir vous casser les couilles à pas d'heure, peut-être demain soir. Donc écoutez, hein, prenez vos précautions, hein, mettez du verre pilé sur votre palier, mettez des choux ou des bonbons au poivre dans un petit panier devant la porte et puis laissez-les se démerder avec ça. Et c'était enchaîné juste avant Back 13, c'est enchaîné avec Carpenter Brut, un projet français celui-là. Back 13, ce sont des Suisses, et Carpenter Brut avec le titre Leather Teeth. Hein, Leather Teeth, ben, les dents en cuir, hein, c'est un petit peu à ce à quoi vont ressembler les dents de ces petits monstres à force de bouffer des bonbons. Tiens, bien fait pour leur gueule. Voilà. Electronic Body Music, pour bouger son corps, disais-je, à l'instant, ouais, le technicien d'Osmose Radio, Loïc, bougeait beaucoup son corps parce qu'il court d'un PC à l'autre. On a des petits problèmes avec la technique ce soir à Osmose Radio. On est une radio qui n'a pas beaucoup de thunes, et du coup, en même temps, c'est un petit peu normal dans l'heure du loup, parce que l'heure du loup, c'est un petit peu normal dans l'heure du loup, disais-je, de voir des couilles techniques, parce que l'heure du loup, c'est une émission qui a des grosses couilles. Hein. Voilà, c'est dit. C'est... Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous parlais des enfants, les Children of the Night, Children of the Night à l'instant, qui vont peut-être venir frapper à votre porte. Et justement, ces bons petits diables, comme les appelait la comtesse de Ségur, parfois, des bons petits diables, et bien justement, c'est peut-être un petit peu l'objet du titre avec lequel on va continuer. Tout de suite, X-Mile Deutschland. X-Mile Deutschland, un groupe allemand qui, avec le titre When Devils Come, d'où la référence au bon petit diable, un groupe allemand des années 80 qui avait vraiment illuminé la scène de la Neue Deutsche Welle, comme on disait, la New Wave allemande, en fait, des années 80. Et si le morceau est prêt, je vous propose d'écouter ça tout de suite. We'll be right back. À l'instant, c'était un groupe français, un groupe de rock que j'aime bien, qu'on a déjà reçu une paire de fois sur Osmose Radio, c'était Demi Mondaine, avec le titre Zombie, un titre dont le nom colle bien ce soir, et c'est enchaîné juste avant avec une autre chanteuse, mais qui n'est d'Allemagne celle-là, au sein du groupe X-Mile Deutschland, avec le titre When Devils Come, quand les petits diables viennent, un petit peu comme en ces périodes de Toussaint, et en ces périodes d'Halloween notamment. Voilà, l'Allemagne, tous les petits monstres auxquels on pense, les zombies, les diables, il y a aussi les sorcières bien entendu, et pour l'anecdote, les sorcières prennent leur origine pour la plupart dans une petite région d'Allemagne, c'est Goethe qui se situait, tu peux me baisser le tapis s'il te plaît parce que là je ne sais pas si les gens m'entendent correctement. Et à l'instant, vous l'aurez reconnu en tapis sonore derrière moi, vous aurez reconnu évidemment les contes de la crypte. Et on fera une autre allusion aux séries télé tout à l'heure, mais pour le moment, je termine sur ce que je disais, les sorcières. Les sorcières qui ont leur fête, elles d'ailleurs, au moment de la nuit de Valpurgis, au printemps. Ça tombe à peu près en même temps que le Carmentran ou les carnavals, notamment au mois d'avril. Eh bien, à Halloween, il y en a une question aussi des sorcières, qui font partie de tout le bestiaire des monstres fantastiques qui se promènent dans les rues à ce moment-là. Et Goethe, je vous disais à l'instant, Goethe situait l'origine des sorcières dans une région d'Allemagne qui s'appelle Harz, au pied d'une montagne qui s'appelle le Brocken. Bref, et c'est là que viennent les sorcières. C'est de là aussi qu'est originaire ma copine d'ailleurs, tiens. C'est la première fois que je fais le rapprochement. La garce, elle m'a ensorcelé. J'avais pas fait gaffe, dis donc. Bah décidément, mon amour, si tu écoutes cette émission, la prochaine fois qu'on se voit, je t'exorcise. Hein. Et encore, heureusement que t'es une sorcière, hein, parce que si t'étais une vampire, je serais obligé de te planter un pieu dans le... Non, rien. Bref, on va continuer avec cette émission, parce qu'on parlait de vampires, de zombies, etc. On parlait de créatures bizarres, et au lieu de dire faire des annonces comme ça, un petit peu déplacées, bah, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct, peut-être, sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane, et ce soir, une sélection musicale consacrée à Halloween, aux petits monstres et au rock endiablé, notamment. Et je vous parlais de petits monstres, hein, de créatures bizarres. Je disais, ouais, il y a les sorcières, les vampires, les loups-garous, notamment les loups-garous, hein, ces bestioles poilues, un petit peu comme le technicien d'Osmose Radio d'ailleurs, Loïc, c'est le mec, il est très très poilu, encore pire que moi. Bref, c'est un peu Chewbacca, vous voyez, mais Chewbacca qu'on comprendrait ce qu'il dit. Là par contre, par exemple, là, en ce moment, je comprends qu'il me dit « je t'emmerde », mais son micro n'est pas branché. Quelle négligence. On va continuer, nous, avec des créatures bizarres à l'instant, chers amis, avec le titre du groupe Scarlet and the Spooky Spiders, Weird Creatures. I'm not Hey, come on, fellas, and you gals too, 'cause I got something to show you. I'm proud to show 'em, they're right up front, so nice. Big Pumpkins à l'instant. Qui c'est qui chantait ça? Bah, c'était Elvira dans la série télé que vous connaissez sans doute. Hein, Elvira, Cassandra Peterson de son vrai nom, qui présentait une émission de télé pendant les années 80 et 90, qui vous aura sans doute laissé certains souvenirs de slips humides, jeunes gens, ou anciens jeunes gens. Et bah, à l'instant, c'est elle qui chantait ce titre, Two Big Pumpkins, deux grosses citrouilles. Je vous laisse imaginer où sont les citrouilles dont elle parle. Hein. Suivez mon regard, ne le suivez pas trop bas quand même. Et à l'instant, c'était donc Elvira, vous disais-je, qui était enchaînée juste avant avec un autre groupe, Scarlet and the Spooky Spiders, et le titre Weird Creatures, des créatures bizarres. Elvira en est une, en quelque sorte. Cassandra Peterson, d'ailleurs, est toujours une femme splendide. Bon, elle est passée un petit peu sous le bistouri, évidemment, mais elle présente encore bien... C'est pas Rachida Dati, quoi, on va dire. Elle est passée sous bistouri, mais elle est encore belle, contrairement à notre politicienne nationale. Mais bon, là, c'était la minute de misogynie gratuite, voilà. Et ben, puisque c'est comme ça, je vais tomber sous le coup des féministes violentes et endiablées. Et en même temps, je pourrais pas leur en vouloir. Et bien, je vais passer la porte du cimetière, peut-être. Allez savoir, comme vous, je dis, si vous allez fleurir les tombes. Et bien, justement, c'est un petit peu le thème du morceau avec lequel on va continuer. Un morceau de Pantera, tout de suite, Cemetery Gates. Crucified for no sins, revenge. Well, I guess you took my youth and gave it all away. Voilà, chers amis, c'était l'avant-dernier morceau de cette playlist ce soir consacré à Halloween dans l'heure du loup. Et vous aurez peut-être reconnu quelques petites notes de musique qui vous ont rappelé un film qui vous aura fait froid dans le dos à l'instant avec ce titre qu'on écoutait à l'instant, Rosemary's Baby, par Fantomas, le groupe de Mike Patton en fait, qui était plus connu pour le groupe Faith No More qu'il avait fondé aussi. Et tout ça a été enchaîné juste avant avec Pantera, quelque chose d'un peu plus bourrin, et le titre Cemetery Gate, les portes du cimetière, que vous allez peut-être passer dans un sens puis dans l'autre, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite hein, parce que si vous passez les portes du cimetière à sens unique, eh bien j'étais ravi de vous connaître chers amis. Voilà, et Fantomas, Rosemary's Baby, en fait les trois petites notes de musique qu'on entendait au début et qui foutaient un petit peu la pétoche, ce sont les notes de musique qu'on entend dans le film Rosemary's Baby de Roman Polanski hein, ce film des années 60 avec Mia Farrow et John Cassavetes, dans lequel en fait une dame est enceinte, elle croit en fait qu'elle est enceinte du diable par rapport au comportement qu'ont les voisins avec elle. Et on ne sait pas si c'est elle qui devient folle ou si c'est que vraiment elle est entourée par des gens bizarres. Voilà, voilà. Donc un film que je vous recommande. Si vous ne le connaissez pas, et puisque je vous parlais de cinéma tout à l'heure avec John Carpenter, bien justement, pour nous quitter, chers amis, pour mettre fin à cette playlist Halloween 2018, je vous propose une autre actualité musicale liée à une actualité cinématographique. Je m'explique. C'est parce que tout à l'heure, je vous disais que, ouais, Halloween, le film de John Carpenter, fait l'objet d'un remake au cinéma là récemment, puisqu'il y a une autre version qui a été sortie du film, une autre version du film Halloween qui est sortie pour les 40 ans de sa première sortie au cinéma. Et bien là justement ce mois-ci en octobre 2018 aussi, il y a un autre film qui a fait l'objet d'un remake, un film italien qui a fait l'objet d'un remake américain. Il s'agit d'un film de Dario Argento qui s'appelle Suspiria, dans lequel c'est une histoire de sorcière là aussi. Voilà, donc on va se quitter avec ça d'ici tout à l'heure. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir écouté cette émission de l'heure du loup spécial Halloween sur Osmose Radio. Je remercie aussi Loïc, le gentil technicien d'Osmose Radio, qui se fait chambrer mais qui encaisse courageusement, et mes rodomontades et Raymond Romontrance, ainsi que mes billevesées et en même temps les ennuis liés aux ordinateurs. Et on va se quitter, disais-je, avec le thème musical qu'avait composé le groupe italien Goblin, un groupe de rock progressif des années 70, qui avait fait aussi les musiques des films de George Romero aux États-Unis. Mais là, il s'agit des films de Dario Argento et notamment Suspiria, pour lequel ils avaient composé un thème à l'écoute duquel on va se quitter, chers amis, un thème là aussi assez inquiétant et qui nous met bien dans l'ambiance de ce film où les sorcières maléfiques font des leurres et mènent la vie dure aux petites danseuses qui sont dans le couvent où se passe l'action du film. J'en dis pas plus, je veux pas spoiler. Si vous avez intention de découvrir, de vous faire un grand week-end cinéma, peut-être ce week-end de Toussaint, d'Halloween, de Dia de los Muertos, de Samhain, appelez ça comme vous voulez. Chers amis, je vous fais un gros bisou, sanglant en un seul mot, je vous fais un gros bisou et on se quitte avec le thème de Suspiria. Salut!